Histoire racontée par l'historien Appillon. Le fait qu'il rapporte dans le cinquième livre de ses Égyptiaques, il ne l'a ni lu ni entendu raconter. Il affirme l'avoir vu de ses propres yeux à Rome. Un jour, écrit Appillon, tout le peuple romain était assemblé dans le grand cirque, où l'on devait donner le spectacle d'une chasse d'animaux. Me trouvant à Rome, j'allais au cirque. On voyait dans l'arène une foule d'animaux d'une grandeur prodigieuse et d'une férocité extraordinaire. Mais ce qu'on admirait surtout, c'était une troupe de lions énormes, parmi lesquels un, entre tous, par sa taille monstrueuse, par ses bonds rapides, par ses rugissements terribles, par ses muscles saillants, par sa crinière flottante et hérissée, frappait d'étonnement les spectateurs et attirait tous les regards. Au nombre des malheureux condamnés à disputer leur vie contre ces animaux, se trouvait l'ancien esclave d'un personnage consulaire. Cet esclave se nommait Androclès. À peine le lion l'a-t-il vu de loin, qu'il s'arrête comme saisi d'étonnement, puis s'avance doucement vers lui, s'approche peu à peu en le regardant, comme s'il le reconnaissait. Arrivé près de lui, il agite la queue d'un air soumis et caressant, comme le chien qui flatte son maître. Il se frotte contre le corps de l'esclave et lèche doucement les jambes et les mains du malheureux, à demi-mort de frayeur. Cependant, Androclès, en se sentant caressé par le terrible animal, reprend ses esprits. Ses yeux s'entrouvent peu à peu. Il ose regarder le lion. Alors, on vit l'homme et le lion, comme s'ils se fussent reconnus mutuellement, se donner l'un à l'autre des marques de joie et d'attachement. À ce spectacle étrange, l'assemblée tout entière éclate en applaudissements. L'empereur fait approcher Androclès, lui demande pourquoi seul il a été épargné par cette bête cruelle. Alors, Androclès raconte l'aventure la plus étonnante et la plus merveilleuse. « J'étais, dit-il, esclave du proconsul qui gouvernait la province d'Afrique. Les coups et les mauvais traitements dont j'étais accablé tous les jours, sans les avoir mérités, me déterminèrent à prendre la fuite. Et pour échapper aux poursuites de maîtres tout-puissants dans cette province, je cherchais une retraite dans les sables et dans les déserts, résolu de me donner la mort n'importe comment si je venais à manquer de nourriture. Je marchais, brûlé par les rayons ardents du soleil, alors, au milieu de sa course, lorsque je trouvai sur mon chemin un antre ténébreux, isolé. J'y pénètre, je m'y cache. Peu d'instants après, je vis arriver ce lion, marchant avec peine. Une de ses pattes était toute sanglante. Il poussait des rugissements et des cris affreux que lui arrachait la douleur causée par sa blessure. D'abord, la vue de ce lion qui se dirigeait de mon côté me glaça de terreur et d'effroi. Mais, dès qu'il m'eut aperçu au fond de l'antre, qui évidemment lui servait de repère, il avance d'un air doux et soumis, il lève sa patte, me la présente, me montre sa blessure et semble me demander du secours. Alors, j'arrache une grosse épine enfoncée entre ses griffes. Je presse la plaie et j'en fais sortir le pus qui s'y était formé. Bientôt, revenant un peu de ma frayeur, j'épongeai soigneusement la plaie et en enlevai le sang. Le lion, que j'avais soulagé et délivré de ses souffrances, se couche et s'endort paisiblement, sa patte dans mes mains. À partir de ce jour, nous vécûmes ensemble dans cette tente pendant 3 ans et nous partagions les mêmes aliments. Le lion me portait, dans notre retraite, les meilleurs morceaux des bêtes qu'il prenait à la chasse. Comme je n'avais pas de feu, je les faisais cuire au rayon du soleil, à l'heure de midi. Cependant, commençant à m'ennuyer de la vie sauvage que je menais, un jour, je profitai du moment où ce lion était à la chasse pour quitter l'antre. Après 3 jours de marche, je fus reconnu par des soldats qui me saisirent. Ramené d'Afrique à Rome, je parus devant mon maître, qui sur le champ prononça mon arrêt de mort et me condamna à être livré aux bêtes. « Je pense, ajoute Androclès, que ce lion a été pris aussi depuis notre séparation. Il me témoigne aujourd'hui de sa reconnaissance, de ce que je l'ai soigné et guéri. » Tel est le récit qu'Appillon met dans la boudre Androclès. Aussitôt, on écrit cette aventure sur une tablette que l'on fait circuler parmi les spectateurs. cédant à la demande de la multitude, l'empereur fait grâce à l'esclave et en outre le peuple veut qu'on lui fasse présent du lion. Ensuite, dit Appion, nous vîmes Androclès, tenant le lion attaché par une faible courroie, parcourir les rues de Rome. On lui donnait de l'argent, on jetait des fleurs sur le lion, et l'on s'écriait de tous côtés, « Voici le lion qui a donné l'hospitalité à un homme, voici l'homme qui a guéri un lion. »